aussi parce que je vois rien. J'essaye pour voir. Je vais mettre les 16 si je me suis pas trompé. 2, 1, 3. Pas carré. Après, je vais trouver. Batterie, hein. T'inquiète, hein. Je rêvais d'un autre monde où la terre serait ronde. Sans mes paroles. Où la lune serait blonde. Paroles, je cherche les paroles. Ils sont pas très bons. C'est bon, j'ai les paroles. Alors, est-ce que ça a chargé la batterie? Ouais, ça va. 160 fois. Ah, mais attends, la basse sature un peu, ouais. Charger la basse, la batterie. Encore un petit peu. Alors, tu peux choisir le passage que tu veux maintenant. C'est la séquence complète. Hein. T'en fais voir, ça y est, la batterie est chargée. Encore un peu. 226, 230, 236. Putain, elle est lourde. Elle est grosse. Ah ouais, je vais le faire. Attends. J'attends que la batterie se finisse. Presque fini, parce que j'avais mis une batterie moins puissante. 250, ça fait combien? 301. Presque. Alors, quand tu veux la batterie. On en est où la batterie là? Alors. Putain, c'est mou, hein. Alors c'est 300, c'est 289, 300, 302, voilà. Ok, maintenant ça va être plus fort la batterie. Voilà, elle va être plus puissante, je la mets à 0. Là, elle va être vachement... Il va falloir que je la baisse maintenant. Je vais la baisser, là. Attention. Ouais. Vas-y, joue. autre monde. Et la terre est bien ronde. Et la lune, elle est comment? Elle est blonde. Ce soir danse les ombres du monde. Attends, j'essaie de trouver le passage. Attends, je trouve le passage. Je cherche le passage. Passage. Alors ça fait je sais pas comment ça fait de mesure, attends. Normal. J'ai raté le départ, attends. J'ai raté.